Vivacité, ma radio complicité. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Oui. Mouillé? Mouillé, pas trop mouillé? Non, parce que t'as vu comment qu'il a plu, c'est impressionnant. Mais heureusement qu'on est là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent les pieds dans l'eau aujourd'hui, après les orages, quelques difficultés, quelques inondations, quelques assurances à mettre en place. Xavier, on leur explique tout. Hein. Ah bah oui, on va poser toutes les questions. Peut-on être mieux assuré? Qu'est-ce qu'il faut faire dès aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Voilà, quelle couverture va-t-on obtenir quand on est sinistré? Ça, ce sera dans une demi-heure. D'ici là, nous irons à Trot, jolie petite commune. Non, où ça c'est trop. Brigitte, eh ben il y a des nids de poules là-bas. Et effectivement, il y en ça, a trop. Il y en a beaucoup trop. Ouais, c'est la seule commune où il y a des nids de poules en Belgique. Oui, et donc malheureusement, il y a une rue vraiment dans un état proche de l'Ohio. Et comme on sait, Trot, c'est pas loin de l'Ohio. Et donc forcément, on va essayer d'aider ces riverains qui sont désespérés avec leur rue. Mais qu'elle est moche, leur rue. Dans le journal de la Conso Aurore, on verra qu'un chien n'est pas un chat. C'est pas mal ça. Mais vous ne le saviez pas ça. Mais non, en fait, non. C'est pas si évident que ça. On ne donne pas les mêmes médicaments aux chiens et aux chats. Cela peut avoir des conséquences fatales. Et puis, Carlo nous fera l'apologie de la frite aussi. Mmh. Ah, enfin, un vrai truc à manger. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse est pigeon@rtbf.be. Le répondeur 070 222 660, le SMS 3063. Ah, ça vous rajoutez un peu de musique? Musique signée Frérot de la Vega et aussi Geronimo. Voilà donc pour le programme dont n'est pas des pigeons. Vous écoutez Vivacité, on est ensemble jusque 13h. Bienvenue tout le monde. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dans the melody of my song. Come, don't let Amir sur Vivacité avec le titre J'ai cherché. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. De nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Eh bien, beaucoup de réactions sur la page Facebook. Réactions au sujet des lampes LED. Hubert nous en parlait hier. Le spectre bleu des LED pourrait abîmer la rétine de certaines personnes. Il me l'a envoyé dans la tronche et franchement, j'ai mal depuis. C'est vrai? Ouais, je souffre. Vous souffrez du spectre? Je souffre du spectre. Bon, ça fait des mécontents, en tout cas, cette histoire. Comme Hugues, il y en a marre. Je suis là. On trouve toujours du mauvais alors qu'on souhaite un peu économiser ou même tenter de sauver la planète. J'ai l'impression qu'on va devoir faire comme avant quand les bougies éclairaient nos maisons, à moins que l'évaporation de suie soit nocive. Mettez-vous d'accord pour un bon système, mon portefeuille est vide et j'aime pas acheter pour jeter. Jean-Michel est lui très cynique. Aux dernières nouvelles, naître conduirait inévitablement à la mort. Nous conseillons donc à tout le monde de ne pas naître en cas de naissance. Bien sûr. Nous vous invitons à traduire vos parents en justice. Oui, évidemment. Pour avoir délibérément exposé aux divers dangers de la vie. Il est positif, Jean-Michel. Voilà. Hein. Et ensuite, Angèle, elle reste quand même positive au sujet des LED. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai remplacé toutes mes ampoules par des LED blancs chauds. À bon marché encore, chez Action, pour ne pas les nommer. Aucun problème et un éclairage parfait et agréable. Voilà. Ça, c'est tout n'est pas perdu. Et puis le LED, c'est beau. Ouais, non, mais non, c'est pas non, beau. C'est pas beau le LED. C'est assez LED. C'est LED. Hein, c'est LED. LED. Ah, c'est autre réaction, c'est Marc qui testait un produit hier censé rendre notre téléphone résistant à l'eau. Oui, Robert précise après le reportage. Non, mais à l'eau, quoi. Ah, vous pouvez pas, elle l'a déposé. Ah, elle l'a déposé, ça. Ah, bah oui, normalement. Elle a déposé cette phrase-là. Oui. Tu déconnes ou quoi? Bah non, vous allez payer. C'est la seule phrase qu'elle peut dire. Donc ou voilà. Ou poignarder son copain aussi. Oui. Oh, Je savais que ça allait déraper, cette histoire. Bon, Robert, il précise, après le reportage qu'on a pu voir hier en télé, qu'une des méthodes proposées est assez dangereuse. C'est celle du téléphone dans un sac hermétique. Les smartphones, comme les PC, produisent de la chaleur et ont besoin d'air pour se refroidir. Pas mal, ça. Et puis, Aurore nous donne son truc. Oui, c'est quoi? Rien de tel que du riz ou les petits sachets de billes que l'on trouve dans les boîtes à chaussures. Ça marche d'enfer pour enlever l'humidité. En même temps, le plus sûr, c'est de ne pas laisser tomber son GSM dans de l'eau. Ben, et ça, au moins, on est tranquille. Si vous avez des choses à nous dire, je le rappelle, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur la page On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse, c'est pigeon@rtmf.be. Le répondeur? Oui, évidemment. 070-222-660. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que j'ai envie. D'accord. Bonnie Tyler arrive, parce qu'elle a envie, elle aussi. Et puis, nous prendrons la direction de trop, parce que là-bas, il y a des Needpool. Et trop, c'est trop, évidemment. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là, ah ben on voit encore Brian au fast-food. Avec Orange, là, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. C'est grave, docteur? Non, c'est une petite bentekite, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. Capteur de stationnement? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync? Oui. Système de navigation avec écran tactile? Oui. Quoi d'autre? Le prix? Ford Focus Business Class, en juin. Conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Membre adhéré au Green, de jeudi à dimanche, toute la journée. Profitez de moins 20 à moins 50% sur tous les articles en stock. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions en magasin. Jardinerie au Green, chaussée de Lille à Tournai. Ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. Au Green, mon plaisir nature. au-green.eu. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Tu entres à Bruxelles. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Emmène-moi voir la mer. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. Bonjour, c'est Axel Witzel. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Dès le 10 juin sur Vivacité, vivez un euro, bleu, blanc, diable, avec l'équipe de Complètement Foot. hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a It's a heartache, c'était Bonnie Tyler en 1977. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous reviens, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est peut-être le cas aussi avec la voiture de Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Votre voiture en a marre, vous avec aussi, par la même occasion, de rouler dans les trous. Oui, vous êtes dans la commune de Trot et il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Il y a plus de trous que de parties carrossables. Sérieux? On est dans... Attendez, là. Quand même pas sur toute la commune, rassurez-nous. Non, non, juste notre rue. Hein. Le reste, ça peut aller. On sait que la Belgique, Frédéric, c'est une spécialité belge. Et on en est très fiers. On est très fiers. Après les frites, il y a les nids de poule. Et les gaufres, n'oublions pas. Et puis il y a les gaufres, c'est déjà des nids de poule en soi. Donc ça tombe bien. Donc effectivement, c'est le chemin Albert Dress et Bécoen, c'est comme ça qu'on dit, Brigitte. C'est un chemin qui est le vôtre tous les jours, c'est votre quotidien. Et j'ai vu les photos, effectivement. L'état de ce chemin, de cette route, de ce qui reste en tout cas, ça fait un peu Bagdad après le passage des Américains. Mais vous avez prévenu la commune quand même, ils sont au courant. Oui, oui, donc on a fait une pétition au mois de novembre. Ouais. Et donc on a une réponse du bourgmestre disant qu'il allait transmettre notre dossier au service des travaux. Et depuis ? Et le service est en effet venu constater, mais il met en cause aussi Asrabel. Asrabel a fait des travaux pendant... une bonne année. Le train ne passe pas loin. Hein. Qui sont pas... Pardon ? C'est le train, Frabel, c'est le train, donc effectivement, oui, le train oui, passe le train, pas très oui. loin. Voilà, d'accord. Et donc, voilà, ils en sont en cause, et puis ils sont arrivés à un accord avec un Frabel qui a dit vouloir payer des matériaux, et la commune s'occupait du reste. Mais cet accord, ça date du 2 mars, et depuis, plus rien. Et plus de nouvelles ? Plus rien du tout. Mais votre truc, c'est vraiment l'enfer, on l'a vu. Ça veut dire quoi? Il y a des problèmes, vos voitures sont sales tout le temps, frais importants de carouage, vous dites, glissade, versement dans les talus. Ben, les amortisseurs aussi, c'est quelque chose. Oui, un compresseur dans le talus aussi. Il n'y a pas de rail de sécurité, il y a un petit ravin là, tout le long de la route, et un compresseur qui est passé dedans, quoi. C'est effrayant tout ça, dites donc. Et ça se passe en Wallonie, attention, au XXIe siècle. Si on téléphonait. Oui, c'est ça. On va donner un coup de fil. Alors, on dit souvent que dans ce pays, il y a beaucoup d'hommes politiques. Nous avons un échevin de trop. Oh, c'était facile, c'était facile. L'échevin des travaux de trop. Enrico Nori, bonjour. Allô, bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends pas fort, mais je vous entends clairement. On a l'impression que vous êtes au fond d'un nid de poule. Non, il est déjà au taquet. Au fond d'un trou. Au fond d'un trou. Dites, alors ces trucs, quand est-ce qu'on la répare ? Le chemin Albert Dreyfus et Bécoët, oui, je comprends les riverains qui peuvent être déçus. À leur place, je serai autant. C'est bien. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait voilà. Je n'habite pas, ouais, je connais très bien le chemin. J'ai des amis proches qui habitent dans ce chemin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez envie d'aider vos amis ? Oui, voilà. La volonté du collège est de tenir en état toutes les voiries de la commune, hein, pas uniquement ces chemins-là. Hein. Et puisque nous sommes gestionnaires de nos voiries, nous venons de voter également un budget extraordinaire de 103 000 euros, où nous sommes en analyse de choisir quelles sont les voiries à restaurer et comment les restaurer. Oui. Et donc, le chemin Albert Dreyfus et Bécoët est concerné ou pas ? Vous allez le choisir ? Mais ça, je ne peux pas vous le promettre. Oh ! C'est une décision qui est une décision collégiale. Et effectivement, ben, nous avons une obligation de moyens, c'est-à-dire que nous devons mettre tout en œuvre pour sécuriser et remettre l'ensemble de nos voiries. En croire les riverains, force est de constater qu'en plus, ils ont fait une pétition et rien ne bouge. Donc, c'est dangereux, c'est vrai que c'est dangereux quand on voit les photos. Hein. Vous avez des pétitions, ben, nous en recevons couramment. Hein. Ça, on imagine. Mais en même temps. Oui, d'accord, voilà. Mais ça veut dire que la situation est criante. Alors, s'il y a 19 trous, on peut faire un golf. Là, d'accord. Mais là, visiblement, il y en a un peu plus. Mais ici, nous avons fait des réparations en 2013, 2014, et quelques petites réparations superficielles en 2016. Hein. Donc, mais comment on peut faire pour vous influencer, pour faire en sorte que le collège décide de réparer ce chemin ? Parce que franchement, pour l'image de la commune, ça fait, je le disais, Bagdad, ça fait Kaboul. Mais il y a également d'autres voiries. C'est à ce point-là abîmé. C'est pas facile, mais pour vous expliquer en gros la situation, nous avons plus de 100 km de voirie. Ouais. Et si je veux, dans les comparaisons de moment, on ne devrait pas en faire, mais si je veux comparer une commune voisine qui est à 150 kilomètres de voirie, mais elle a trois fois plus d'habitants, donc trois fois plus, il y a beaucoup plus d'argent qui rentre. Vous êtes victime des rentrées financières qui sont moins grandes, effectivement. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de faire comme message, c'est que la population de trop se reproduise un maximum, que les gens viennent habiter pour qu'il y ait plus d'impôts et qu'on puisse réparer les routes. Oui. Je dois faire la politique, hein. Moi. Allez, au lit trop. Bon, non, maintenant sérieusement, une petite chance que vous choisissiez le chemin Albert Dreyfus et Bécoët qui est quand même dans un état catastrophique. Écoutez, je ne peux rien vous promettre, c'est une décision collégiale qui doit être prise. Pensez aux élections qui arrivent. Ça va être quand ? Mais attendez, le collège il se réunit tous les lundis. Ben, lundi prochain, on vous rappelle au soir alors ou mardi matin pour voir si vous avez décidé. Si vous vous réunissez tous les lundis, vous pouvez prendre des décisions tous les lundis. On peut prendre des décisions tous les lundis, mais de toute façon, une solution sera apportée d'une manière ou d'une autre pour la fin de l'année. Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'elle sera restaurée, qu'ils auront une nouvelle route. Ce sera peut-être des réparations de manière... D'accord, ouais, c'est déjà pas mal. C'est difficile de réparer cette route, hein, parce que si on ne la refait pas complètement, elle est tellement abîmée que réparer, difficile. Hein. Oui, je comprends. Mais comme je vous disais tantôt, on est tenu par par une obligation de moyens, pas par une obligation de résultats. Si je fais la route et que je fais un sélec sur 10, ben, on a fait le maximum qu'on pouvait et on a sélec sur 10. Si on arrive à la faire avec un 10 sur 10, qu'on vous fait une piste de bowling, ben, tant mieux. Mais je ne peux pas vous promettre. Mais par contre, la seule chose que je peux m'engager, c'est que des restaurations seront faites pour la fin d'année. Ok, on parle de l'année 2016, hein, on est d'accord. Tout à fait. Ah non, mais même que les élections soient en 2018, ce sera pour 2016. Allez, c'est déjà ça. Brigitte, je présume que... Hein, que ça vous convient, Brigitte, comme explication. Vous êtes ravie, hein. Ah ben si, champagne. On a fait avancer le dossier, là, sur ce coup-là, en avant, hein, on est d'accord. Bon, désolé, on a déjà fait mieux, Brigitte. On a déjà fait... Sur ce coup-là, obligation de résultat, on n'a pas été très très fort, mais bon, en même temps, voilà, on peut pas non plus. On a fait ce qu'on pouvait avec nos moyens. On a fait ce qu'on pouvait avec nos moyens, Brigitte. Il faudra prendre son mal en patience. Bah tiens donc. Donc joue à l'influence, en tout cas Brigitte, un bon conseil, joue à l'influence, puisque visiblement il y a un choix politique qui va être fait. Donc la pétition, elle est évidemment importante. Ça, c'est sûr, hein. Elle pèse de tout son poids. Il y a personne, il y a aucun mandataire politique dans votre rue. Ça aiderait. Ah ça. Non, justement, ce serait bien plus facile. Hein. Voilà, mais mettez-vous vous-même en politique. Voilà. C'est peut-être la chance. Devenez copine avec les chevins, il a dit. Ou qu'il... acheter il a l'air un sympa. Tracteur, c'est une solution aussi. Voilà, c'est aussi. C'est dangereux, une solution. Non, mais même le vélo dans la rue, c'est vrai que c'est casse-gueule. Non, du VTT. On vous souhaite une belle fin de matinée, Brigitte, à l'écoute de Vivacité. On a fait ce qu'on a pu. Désolé, on essayera de faire mieux la prochaine fois. On s'appelle, on se fait une bouffe. Hein. Sophie, t'as vu ? Rêve intérieur Carnion déménage. Quoi ? Il déménage sur le nouveau site des Grands Prés face à Ikea. Oh, non mais attends, quoi raconte ? Il liquide tout dès le 1er juin. Plus de 3000 m² liquidés. Des centaines de canapés haut de gamme avec relax, en cuir et en tissu. Des tables, objets déco et luminaires, jusqu'à moins 70%. Mais ce sont des grandes marques chez Rêve intérieur. Oui, mais tout doit partir. La liquidation totale avant déménagement à ne pas rater chez Rêve intérieur à Carnion. 72 rue Jules Destré face à Weba. Et n'oubliez pas, Rêve intérieur vous accueille aussi dans leur magasin de Gosselies et La Louvière. Retrouvez nos adresses sur rêveintérieur.be. Vivacité à Flebec. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Grande braderie chez O'Green de jeudi à dimanche toute la journée. Et des promos exceptionnelles sur le mobilier de jardin. O'Green. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elles glissent sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269 € par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez-le lors du week-end de lancement, les 11 et 12 juin. Offre de location full service sous mise à condition réservée aux particuliers. À la télé, y'a plus que des festivals de connes. Aux infos, tu sais plus s'ils disent vrai ou s'ils déconnent. Et la pub de partout, c'est sûr que ça te conditionne. Geronimo avec posséder, c'est ça le cri de Geronimo ? Qu'est-ce que enfin le tu vois le non normalement c'est oui il me semblait bien voilà il me semblait bien. Pardon. Et on savait qu'on allait en avoir un autour de la table, c'était vous hein, Xavier. De quoi ? Bah oui. Pour faire le cri de Geronimo, ça c'est y est. Dingue, voilà. Non mais je sais de qui je m'entoure aussi. C'est ça. Allez, on part sur les routes. Caroline Gillet, comment ça se passe? Eh bien, c'est assez compliqué, même très compliqué sur le 429 dans le sens Tournai-Halle, puisqu'un accident grave s'est produit à hauteur de Fresnes. Conséquence, chaussée fermée à partir de l'échangeur de Tournai-Nord et ce jusque Lessines, ce qui comprend la fermeture de chaussée due à une inondation. Et bien sûr, il y a des files importantes en direction de Halle, à savoir que l'autoroute est fermée sur 34 km en tout et pour tout en direction de Bruxelles. C'est vraiment un secteur à éviter. Des déviations sont bien sûr mises en place si vous devez vous rendre à Bruxelles. Vous devez reprendre le 42 en direction de Mons pour reprendre ensuite le 19 en direction de Bruxelles. C'est un itinéraire bis vraiment beaucoup plus long, donc prenez vos dispositions si vous devez vous rendre à Bruxelles à partir de cette 429. Toujours sur le 429, mais dans l'autre sens, dans le sens Halle Tournai, un accident s'est produit à hauteur de Mourcourt. Le passage est difficile dans la bretelle d'accès. Il y a des files depuis Tournai en direction de Lille. Plusieurs chaussées inondées, ça se passe depuis ce matin, bien sûr, et notamment dans l'échangeur de Marquin, la bretelle qui relie le 403 vers le 429 vers Bruxelles. À Bruxelles également, le boulevard de la Wolu, le tunnel Wolu est fermé dans les deux sens et la Nationale 5 Bruxelles-Charleroi peu après Genappe. Le passage ne se fait que sur une seule voie en direction de Charleroi. Et puis suite à une manifestation des pompiers à Namur, il y a de gros embarras de circulation sur l'avenue Baron Louis Huard. De gros embarras de circulation tout court dans le centre de Namur. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À 11h31, on prend la direction de la presse du jour. Aurore, si vous êtes d'accord, dans l'ADH, on parle des différentes pistes pour la mobilité. Oui, pour plus de mobilité. Et il y avait intérêt, hein, qu'on a entendu le point route, là, maintenant c'est un peu le bazar partout. C'est jet ski aujourd'hui. Ouais, oui, mais alors vous allez être un peu déçus parce que ce sont des pistes de réflexion. Ah. Donc, rien de concret encore, mais ça donne une idée de ce qui pourrait être décidé pour 2018. Il est question notamment d'installer des panneaux intelligents sur les autoroutes. Ils pourraient faire réduire la vitesse maximale sur certains tronçons aux heures de pointe pour fluidifier le trafic, parfois même descendre jusqu'à 50 km/h. Ce qui, sur autoroute, serait assez surprenant. Oui, c'est dangereux même. Diminuer ou augmenter le nombre de bandes utilisées, y compris la bande d'arrêt d'urgence, qui pourrait aussi être utilisée aux heures de pointe, ou encore indiquer des itinéraires bis en cas de bouchon. Ces mesures sont discutées dans le cadre d'un grand plan mobilité de la région wallonne qui touche notamment le centre Perex. On connaît bien. Ça existe déjà, hein, ceci dit, en Allemagne, et ça se fait beaucoup, en France aussi. En France même, parfois, quand vous roulez trop vite, vous pouvez avoir sur le panneau d'affichage suivant votre numéro plaque en disant moins vite, point d'exclamation. D'accord. Okay, d'accord. Ouais, bon, ça m'est déjà arrivé. Ça pourrait être décidé en 2018. Nous sommes en Wallonie. Donc, retard probable de 4 à 5 ans. On ne sait jamais. Attention, les crocs ne sont pas bonnes. Bon ou bonne, c'est quoi? C'est des chaussures. Moi, je dirais des chaussures. Ouais. Une crocs. Les trucs en plastoc, quoi, ou en caoutchouc, c'est ça, mousse bizarre. Les espèces de Playmobil mobile de la chaussure, c'est un petit peu ça. C'est pas bon pour les pieds, qui disent non, dans Sud Presse. Du tout. C'est arrivé sur le marché chez nous en 2002. Et à l'époque, on les présentait comme révolutionnaires. On disait que c'était confortable, hygiénique, etc. 14 ans plus tard, ben, on déchante. Les podologues se rendent compte que les crocs, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrefort. L'arrière du pied n'est pas maintenu, ce qui provoque des tendinites. Il y a aussi des soucis au niveau des orteils. Pas les mettre tout le temps non plus. Non, mais non, mais ils vont partout. Il y en a qui mettent ça. Il y en a qui passent toute la journée avec. Les chirurgiens mettent ça. C'est pour les salles d'op, ils sont en crocs. Sauf des vies en crocs. Oui, parce que justement, on peut les désinfecter. C'est pour ça que c'était. Et voilà. Présenté comme c'est pas des mycoses qu'on a. Il y a avec aussi ça. Des sou... Mais non, tu peux pas parce que tu les désinfectes. Soit. Okay. Il y a aussi un souci au niveau des orteils parce que comme la chaussure est pas très bien tenue derrière, il peut y avoir une déformation des orteils. Zut. Alors c'est valable pour les crocs mais aussi les crocs, mais aussi pour les contrefaçons. Il y a les crocs monsieur et les crocs madame. Oui, les crocs madame. Joli. Et aussi pour toutes les sandales de plage. De mon temps, on mettait des sabots, c'est le même problème alors. C'est le même problème. Voilà, les sandales de ça revient à la mode. Attention, pour l'année prochaine, j'annonce le grand retour du sabot. Allez, la mise en garde aussi dans la DH, il faut bien choisir les produits anti-puces pour les animaux de compagnie. Oui, parce que ceux prévus pour les chiens ne conviennent pas du tout pour les chats. Ils peuvent même les tuer. Le principe actif de l'antipuce pour chien est un neurotoxique pour le chat. L'empoisonnement par ces substances est d'ailleurs la principale cause de décès chez les chats, selon les vétérinaires. Conclusion, bien préciser aux pharmaciens que vous voulez un produit soit pour chien, soit pour chat. Sauf si vous voulez la mort de votre chat. Oui, non. Et ce qu'on disait tout à l'heure,

life they only learn that the twist and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. Tu peux le sentir, l'amour, ce soir. Est-ce que tu le sens bien, l'amour, ce soir? Ah, vous faites le plan langue. Elton John en 1994, évidemment. On n'est pas des pigeons. Et sérieusement, Xavier, on va revenir avec vous sur les intempéries d'hier et d'avant-hier et d'avant-avant-hier. Oui, car vous êtes nombreux à les avoir subis, caves inondées, parfois salons, parfois toitures dévastées par la grêle. Hier, pour tout vous dire, j'étais sur le boulevard de la Wallu et j'ai vu de mes propres yeux des gens abandonner leur voiture. Voilà, alors, la question qui se pose, c'est comment faire pour être indemnisé? Oui, sans oublier la hauteur de ces dédommagements et puis le délai. On en parle tout de suite avec Wouter Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole d'Assuralia, c'est la Fédération des Assureurs. Wouter Robin, premier réflexe lorsqu'on a subi de tels dégâts, c'est quoi? C'est de téléphoner à son assureur, à son courtier? Je dirais d'abord éviter que la situation n'empire. Donc la première chose, ça sera de couper le gaz et l'électricité si ça n'a pas déjà été fait. Donc ce sont les mesures de sauvegarde qui doivent être prises. L'assureur intervient d'ailleurs dans ces mesures, mais je dirais qu'immédiatement après cela, je crois que c'est le coup de téléphone à l'assureur pour faire savoir ce qui est en train de se passer, du fait notamment que la plupart des contrats d'assurance incendie prévoient une assistance en cas d'urgence. Les assureurs connaissent des entreprises qui sont spécialisées dans le séchage, dans le reconditionnement, qui peuvent aider par exemple à évacuer des animaux de compagnie, etc. Donc il y a toute une série de prestations qui peuvent être prévues. Je dirais que c'est le moment de s'en servir. Et donc ça veut dire que je donne ce coup de fil, la réaction de l'assureur, normalement, elle est rapide? La première chose, s'il y a effectivement des prestations d'assistance qui peuvent servir, c'est de le faire. Et puis, de convenir avec l'assureur de la façon dont l'assureur va constater les dégâts. Donc, je crois qu'il est toujours bon de prendre des photos au moment où l'eau atteint son maximum et puis au fur et à mesure du retrait de l'eau. Pour pouvoir commencer à établir un état de perte. Oui, ça c'est toujours le conseil à donner. Il faut prendre un maximum de photos dans ces cas-là parce que dans des inondations, il y a des factures qui vont sans doute disparaître, qui vont être mouillées, qui vont être détruites. Et donc, il faut savoir prouver qu'on avait telle ou telle chose qui ont été dévastées par des inondations. C'est vrai. Donc tout ce qui sert d'archives, que ce soit d'ailleurs des documents de famille ou que ce soit des documents probants à l'égard des compagnies d'assurance, je dirais autant ne pas les laisser à la cave. C'est vraiment pas la bonne idée. Y a-t-il de meilleures assurances que d'autres en la matière? Quand je signe un contrat d'assurance, est-ce que je dois faire gaffe à certaines choses et à quoi dois-je faire gaffe? Alors, la première chose, c'est de savoir que dans l'assurance incendie, il y a un certain nombre de choses qui sont réglementées. Par exemple, vous allez trouver une couverture inondation dans tous les contrats d'assurance incendie, donc dans l'assurance habitation. Ça couvre le bâtiment, ça couvre son contenu. Maintenant, pour ce qui est par exemple des jardins, des maisonnettes de jardin, des serres dans le jardin, etc., là il y a des contrats qui prennent également en charge les dommages au jardin, il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc je crois qu'il est toujours important de décrire exactement ce que l'on souhaite assurer lors du contact avec l'agent, le courtier ou la compagnie d'assurance, et de refaire ce petit point de la situation une fois tous les 2-3 ans pour voir si, tiens, depuis qu'on a aménagé la véranda, est-ce qu'on en a tenu compte? Est-ce qu'elle est couverte également? Et par ailleurs, il faut faire attention au montant, au plafond que ces assurances proposent. Il faut adapter à la valeur réelle de ce qu'on a dans sa maison, forcément. Alors, de nouveau, le législateur est intervenu dans ce domaine-là. Donc, les compagnies mettent à disposition des assurés un mécanisme qui permet de calculer la valeur qu'il convient d'assurer. Je dirais que lorsqu'on apporte des changements majeurs au bâtiment, il faut évidemment le revoir. Panneaux photovoltaïques, par exemple.

Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Carlo, oui, on va enfin parler de... On n'en a jamais parlé. Mais je te jure qu'on n'en a jamais parlé. On est passé à côté. L'emblème de ce pays quand même. La gastronomie par excellence, on est d'accord. Mais oui. Alors la frite va-t-elle mal, va-t-elle bien? Elle va bien la frite. Tout cas dans les friteries, je trouve qu'elle se porte pas trop mal. Et dans les restaurants, c'est pas toujours la fête. Et dans les chaumières, c'est souvent du surgelé. Bref, la question à deux balles, est-ce que nous avons inventé la frite? On sait pas. Et finalement, j'ai envie c'est de dire... C'est comme la question, est-ce que les Belges ont inventé la bière? Voilà, c'est les Égyptiens. Les frites, ce serait pas nous alors? Alors, on n'a pas forcément inventé la frite. Il y a deux, trois légendes qui circulent. Vous trouverez une légende qui met la frite, qui voudrait que la frite ait été inventée. Frite à toutes les sauces. Voilà, oui, c'est ça. A-t-on inventé la sauce avant les frites ou les frites avant la sauce? Parmentier n'a rien à voir là-dedans. Parmentier n'a rien à voir là-dedans. Il a fait bouffer des patates aux Français. Probablement que nous, Belges, en avons mangé avant. Mais la frite, c'est un. En fait, peu importe de savoir. C'est un peu comme les Italiens n'ont pas inventé les pâtes, mais ils ont sublimé les pâtes. Eh bien, on peut affirmer. Mais sans se tromper, que le Belge a sublimé la frite. Il en a fait quelque chose d'extraordinaire. Un produit noble. Et la frite est un enfant bâtard. Pourquoi? Parce que la patate, c'est quelque chose qui est populaire. Au 19e siècle, la patate, c'est vraiment très populaire. C'est quelque chose qui n'est pas... les aristos et les bourgeois ne mangent pas volontiers les patates. En revanche, le gras, c'est réservé aux riches. Et donc, c'est le mariage d'un produit riche avec un produit pauvre. En ça, elle est bâtarde. Et on pense que celui qui a popularisé la frite, c'est un monsieur Krieger, qui se faisait appeler monsieur Fritz, et qui, pendant toute la deuxième moitié du 19e, a vraiment conquis toutes les kermesses du pays avec ces paquets de frites qu'il appelait tantôt des Russes, tantôt des Cosaques. Elles ont eu plein de noms. À un certain moment, il appelait ça des omnibus. Parce que tout simplement, il prenait des noms à la mode. Ce type était un génie du marketing. Et peut-être ce qui a fait le génie de la frite en Belgique, c'est que finalement, ce produit itinérant est devenu un produit qui s'est stabilisé dans les baraques à frites et qui nous a donné le goût de la bonne frite en accompagnement de nos diverses spécialités. Voilà. Ça, c'est pour une hypothèse historique. Voilà. Le souci, c'est que, rares sont ceux qui font encore leurs frites maison, c'est beaucoup de surgelés dans les chaumières. Effectivement, c'est souvent des surgelés. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a tous, nous qui aimons tous les frites autour de la table, quand on tombe sur une surgelée, on s'en rend compte. Tout de suite, oui, évidemment. Et pourtant, dans les frites surgelées, la plupart des frites surgelées du commerce, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des frites et du surgelé. Non, il y a des frites et de l'huile de tournesol. C'est tout. Il y a rarement les additifs. En revanche, les fameuses frites au four, là, il y a plein d'additifs d'enrobage. Voilà. Okay, d'accord. Oui, mais... Et donc, il n'y a pas grand-chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on les reconnaît si facilement? Xavier saute sur sa chaise. Je suis triste de l'avouer, mais ça m'arrive de faire des frites au four parce que c'est le seul truc qui pue pas dans la maison. Mais oui! Je suis d'accord avec toi. Parce que alors, moi, j'ai préparé les frites. J'ai fait la pré-cuisson, la première cuisson des frites qu'on va déguster tout à l'heure en plateau pendant l'émission de télévision. Eh bien, j'ai dû changer 3 fois de chemise et 2 fois de slip. Et vous pouvez encore le faire parce que ça sent encore ici, Carlo. Oui, je sens le blanc de bœuf. Non, c'est le slip. Alors, qu'est-ce qui fait? Le slip sent le bœuf tout court. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on les reconnaît? Elles sont pochées à l'eau, les frites surgelées, en général. Ouais. Elles ont un pré-pochage à l'eau avant une première cuisson à l'huile de tournesol. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'en profite aussi pour rappeler que nous, Belges, il y a un truc bizarre. C'est que si on va à la friterie et qu'on nous sert des frites surgelées et qu'on paye 2,50€ le paquet, on va être furieux. On va pas accepter un truc pareil. Okay. À la rigueur, dans un snack durum où les durums sont bons. Mais sinon, on n'accepte pas. En revanche, au restaurant, on est assez complaisant avec la frite surgelée. Souvent, on se dit, allez, les boulets étaient bons, dommage, les frites étaient surgelées. Mais on tape pas un scandale pour ça. Or, moi, je trouve pas que ça mérite un scandale, mais je trouve qu'on devrait nous l'indiquer sur les cartes de manière tout à fait explicite. Frites surgelées, frites fraîches, frites prédécoupées. Je trouve qu'il faudrait une transparence parce que comme ça, moi, je demande des patates, une purée ou n'importe quoi comme garniture parce que la frite surgelée, elle a ce truc que tu pioches parce que tu cherches le goût et tu le trouves pas. À la maison, qu'est-ce qu'on fait si on veut les faire soi-même? C'est pas évident. Je me suis un peu cassé les dents. Tu coupes des patates en lamelles et puis c'est fini. Écoutez, tout à l'heure, double cuisson. Ce matin, je me suis senti dans la peau de notre ami Raphaël Scaini en faisant des... Vous avez raté un truc. Alors, j'ai pris des binches, je les ai pelés, je les ai lavés, je les ai séchés, je les ai coupés. Et puis, je me suis dit, je vais faire, comme dit le grand Pierre Weynand, je ne vais pas laver mes frites. Du comme chez soi. Du comme chez soi. Je ne vais pas laver mes frites, je vais les pré-cuire une première fois sans les laver, sans les... Je les ai séchées, par contre. Eh bien, elles ont bruni trop vite déjà à la première cuisson. C'est une, ça s'appelle la production d'acrylamide. C'est une sorte de caramel qui est, en plus, relativement toxique. Et surtout, ça fait qu'à la deuxième cuisson, parce que j'ai essayé, mes frites devenaient trop brunes. Ah oui. Et donc, elles deviennent brunes sans être cuites à l'intérieur. Alors, j'ai recommencé. Je les ai lavées un tout petit peu, bien séchées. On goûtera tout à l'heure. C'est pas évident. Je comprends les restaurants qui ne se lancent pas toujours dans la frite fraîche parce que c'est une vraie maîtrise. C'est comme faire du bon pain, faire de la bonne pizza, cuire un risotto ou d'autres plats traditionnels. C'est pas évident, mais qu'est-ce que c'est meilleur? Et tout à l'heure, on essayera, à la grande joie, je pense, de ceux qui nous succéderont au JT après, dans le studio. On va cuire des frites dans le studio. Plateau avec la recette classique, avec des binges que l'on va pocher, on va faire la deuxième cuisson en plateau. Ok, dites vos frites. Avec ou sans maillot? Avec ou sans maillot? Avec. Viens, goûte mes frites. On goûtera les frites. Valérie Lemercier, bien sûr. À la télé à partir de 18h30. Non mais sérieux, alors maintenant, le grand débat aussi, la frite que tu vas chercher, frites côtes ou le snack, quand je dis frites côtes, la baraque à frites. La baraque à frites en dur. Je pense que... La baraque à frites sur la place, oui, on est d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un des grands plaisirs de l'existence, une joie intense gastronomique, c'est le cornet de frites quand il pleut pas, et que l'on mange en trempant ses frites dans la mayonnaise, sans autre accessoire. Oui, mais quand même la mayonnaise à part, parce que sinon il y en a plein les doigts. Oh, mais ouais, mais il y a un côté... Et t'imagines, alors mayonnaise ou andalouse? Fricadelle ou cervelas? Ou viandelle. Ou viandelle. Non, mais tu vois, un simple sujet. On a mis 5 ans pour en parler, mais je suis sûr que ça va faire débat sur la page Facebook. Et dites-nous vos trucs et astuces, dites-nous vos préférences, et on les relayera dans l'émission parce que ça, c'est un sujet qui me touche au plus profond de mon âme. Si, je te jure. Comme Maître Gims d'ailleurs, ou pas finalement. J'ai retrouvé. Sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même quand. Sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné. Est-ce que tu m'aimes? C'était Maître Gims. Les infos du midi arrivent dans un peu moins d'une minute et on se retrouve derrière. Bien bientôt la fête des pères. Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau? Ça tombe bien, Vivacité vous offre des Samsung Galaxy S7 Edge. Pour avoir la chance d'en remporter un, écoutez Cyril dans le 5 à 7, du lundi au vendredi, dès 17h. Bonne chance et surtout, bonne fête à tous les papas. Bonjour, c'est Marwan Fellaini. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Dès le 10 juin sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec l'équipe de Complètement Foot. Allez, arrête-toi. Allez. Ah, enfin quelqu'un qui s'arrête. Bonjour. Vous allez en direction de Forêt? Je vais au concert des Strolling Rocks. Strolling Rocks? C'est nous les Strolling Rocks. Oh, come on, jump in. Oh, trop bien. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Polo de Volkswagen. En ce moment, climatisation et peinture métallisée gratuite. Mais aussi une réduction exclusive de 2000 euros. Plus d'infos chez votre concessionnaire Volkswagen ou sur volkswagen.be. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Plus de 30 000 décharges électriques enregistrées dans le ciel hier après-midi et pendant la soirée, avec dans la foulée de terribles orages, des tempêtes de grêle et de fortes averses. Aucune province épargnée, mais certains habitants ont souffert un peu plus que d'autres des inondations. Le plan d'urgence reste ainsi en vigueur pour l'instant à Tournai. Des maisons inondées, des routes coupées, des personnes évacuées comme à Bruneau. Alors Charlotte Legrand, vous vous trouvez ce midi dans un des points noirs de la région. Oui, je me trouve à Rongy pour l'instant. Rongy, c'est un village connu pour ses nombreux vergers, ses pépinières. C'est un village où ce matin, les habitants ont par endroits les pieds dans l'eau. L'armée est intervenue ce matin pour évacuer une famille bloquée dans sa maison, très en retrait, dans un bois. De gros camions de l'armée sont allés jusqu'à ses habitants, car même en tracteur, des agriculteurs ont essayé. Il était impossible de les secourir. L'eau avait vraiment tout envahi. Ce matin, je me suis également rendue à Howardry, c'est un hameau de 67 habitants. C'est le plus petit village de Wallonie-Picarde. Très impressionnant là-bas de voir les champs de pommes de terre transformés en lacs, les jardins à l'état de piscine. C'est un village en cuvette, donc l'eau ne peut pas partir, il faut des pompes. Les opérations sont en cours là aussi. Le CPS propose son aide, il propose des repas chauds, des évacuations en taxi, mais c'est toujours non. Les habitants veulent se débrouiller tout seuls. La solidarité familiale, la solidarité entre voisins font à plein régime. Ah, c'était Charlotte Legrand, donc dans la région de Tournai. La vigilance reste de mise aussi pour la Dendre et certains de ses affluents comme la Sille, avec une attention particulière à Chièvre, Lessines et Leuze-en-Hainaut notamment. Importantes inondations aussi en Brabant-Wallon, à Nivelles, Genappe, Cours-Saint-Étienne où la Dille a débordé. Les pompiers restent mobilisés pour évacuer l'eau des rues, des caves, des rez-de-chaussée. Le niveau de l'eau qui est en train de redescendre. Les habitants peuvent donc maintenant commencer à racler, à nettoyer, écouter ces riverains. Ah, je vais attendre que le niveau baisse et puis je vais descendre et je vais aller voir à la cave. Voilà, à la cave, voilà. Et puis nettoyer, ranger. Enfin, nettoyer, ranger. Peut-être pas aujourd'hui, je sais pas. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Hein. Il y en a qui n'ont pas dormi. On a dormi 2 heures. Donc, de toute façon, il faut attendre que le niveau baisse. Pas le choix. Puis ce sera le grand nettoyage. Et vous? Oh ben, il va falloir nettoyer, hein. Jeter tout ce qui flotte et qui est foutu. Et puis, ben, après, vraiment bien nettoyer. Est-ce que vous avez des dégâts? Vous avez des machines abîmées? Ben, je ne sais pas encore. Sûrement, oui. Machine à laver, congélateur, chaudière, j'espère que non. Donc peut-être faire appel aux assurances? Ah oui, sûrement. Ah oui, sûrement. Des témoignages recueillis par Monica Wachter. Les pompiers de Wavre et de Jodogne devront intervenir durant toute la journée. Ils sont appelés à intervenir 24 heures sur 24 lors d'inondations. Les pompiers du sud du pays manifestent depuis ce matin à Namur. La colère gronde depuis des mois contre la réforme des zones de secours. Quelques 250 pompiers entre Jambes et le Grognon en face du Parlement wallon. Ils sont venus des quatre coins de la Wallonie. Ce sont eux qui disent la réforme les met en danger, en insécurité quand ils partent en intervention. Et puis il y a aussi toujours le découragement des pompiers volontaires. Misikir Koré, pompier, il est président de la délégation CGSP à Liège. Il est venu manifester après avoir été de garde pendant toute la nuit. Quand on voit le désinvestissement qu'il y a dans les services d'incendie, dans les services publics en général, Le travail qu'on fait, la sécurité de la population, notre sécurité en intervention est clairement menacée. On part en sous-effectif. La réforme des services d'incendie ressemble plus à une réforme financière. Au niveau du fonctionnement structurel, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Malheureusement, les moyens qui devaient être apportés n'ont pas été apportés. Et c'est les pompiers qui traquent et la population. Ça, on ne peut pas le tolérer. Voilà pour ce témoignage sur fond de pétards et de pimpons. C'était une interview de Michel Servet et de Sonia Boulanger. En football, le premier entraînement des Diables Rouges ce matin à Bordeaux et à huis clos avant un autre entraînement cet après-midi. Un entraînement qui sera cette fois ouvert au public, aux enfants des écoles notamment de la région qui ont été invités. On attend pour ce deuxième entraînement quelques 20 000 spectateurs. La Belgique qui jouera son premier match de l'Euro lundi face à l'Italie. On a appris ce matin que le roi Philippe assistera au deuxième face à l'Irlande. RTBF Mobile Info. On va faire un point RTBF Mobile Info si c'est possible avec Caroline Gillet. Et toujours la paralysie sur la E429, Caroline. Oui, voilà, exactement, Marianne, avec toujours cet accident grave signalé sur le 429 Tournée A à la hauteur de Fresnes. Conséquence, chaussée fermée depuis l'échangeur de Tournée Nord. Il y a bien sûr des files en amont de cette fermeture de chaussée en direction de Halle. Une déviation est mise en place. Sachez que l'autoroute est fermée sur environ 34 km suite aux inondations également qui avaient été signalées depuis ce matin. Donc, évitez à tout prix le 429 dans le sens Tournée vers Halle. Vous risquez d'être pris dans les files. Dans l'autre sens, toujours sur le 429, il y a un accident à hauteur de Mourcourt. Là, le passage est difficile dans la bretelle d'accès. On relève 5 km de file. Un quart d'heure perdu environ en direction de la France. Sur le ring de Bruxelles, en circulation intérieure, on a une barre de fer qui se trouve à hauteur de Grand-Bigard. Elle neutralise une voie de circulation en direction de Zaventem. On parle depuis ce matin de pas mal de chaussées inondées. Je vous renvoie, si vous le pouvez, sur notre compte Twitter. Elles sont détaillées. Hashtag RTBF Mobile Info. Et puis des ralentissements sur l'assistant de Chesnay-Loncin un peu avant Anse. On a 2 km de fil. On ne sait pas vraiment pourquoi. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous appeler. Mais sachez que c'est en direction de Loncin. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Midi 30, les titres, à 13h, le journal de Viva. Ce sera avec Manu Delporte. Merci Marianne, bel après-midi. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure dégustation, les amis, dans les années 70, on disait Peace and Love. Aujourd'hui, on dit Pils and Love. C'est une bière bien de chez nous que nous allons déguster. Et si on en boit trop, on dira Pils and Peace. Non. Oh, mon Dieu. Oh, ça va. Xavier, on va parler de l'huile de fourmi. C'est quoi cette affaire, Xavier? Alors, l'huile de fourmi, ce serait une méthode miracle pour s'épiler. Mais non. Si, je vous jure. C'est tellement corrosif que ça enlève les poils. On sait pas trop. Il y a une téléspectatrice qui nous a posé la question. Est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce dangereux ou pas? On en parle de plus en plus sur le net. Ben, nous, quand on nous pose une question, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons répondre à cette téléspectatrice poilue dans quelques minutes. On vous a expliqué hier que Lidl s'était trompé sur un folder publicitaire en annonçant du poulet gratuit qui finalement ne l'était pas, Fred. Ouais, c'est une affaire d'État, hein. Du poulet en barquette, 1+1 gratuit. Normalement, on devait payer 2,69€, mais les clients ont dû payer 5,38€. C'est un véritable scandale. On va tenter de délucider ce drame. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook aussi que ça se passe. Sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi laisser un mail. L'adresse est pigeonpluriel@rtbf.be. Le répondeur 070-222-660. Côté musique, il y aura ça. T'as reconnu? Dis auditeur, t'as reconnu? C'était Alice on the Roof et on entendra ça en entier dans quelques minutes. Ainsi que Christophe Willem. Si vous passez à table, toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons vous souhaite un excellent appétit. Allez-y l'équipe. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, ils sont deux. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, ils sont tous à un degré de motivation différent. Mais on est ensemble encore pendant 52 minutes. Ça va être dur cette histoire. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. Chandelier, c'était Sia sur Vivacité. Oh oh, c'est fou. Ah, ça débouche la chiotte. Oh, c'est pas une boisson pour mauviette. Vous l'aurez compris, nous allons donc déguster une boisson. Attention, bruitage en live. Voilà. Oh, c'est joli. Ouvert. C'est je rare en plus, ça dans une le, bière, dans le... on n'est pas des pigeons. C'est vrai que ça faisait longtemps, ça fait au moins une semaine. Même pas une semaine. Autour de la table, Bernadette Stojakovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue nous présenter votre bière qui s'appelle la Pilsen Love. Oui. Déjà, on s'arrête au nom. Pourquoi ce nom ? Pour faire un petit peu référence au slogan des années 60 et des hippies, Peace and Love. Et puis en fait, on se rend compte tous les jours, quand on ouvre nos yeux et nos oreilles, il n'y a que des choses qui peuvent nous fâcher, nous rendre tristes, nous apeurer. Autant donc se bourrer la gueule pour oublier. Non, justement, on veut justement rechercher tout ce qui est, je dirais, les conviviales, tout ce qui nous fait penser à la paix. On a besoin de paix, on a besoin d'amour. Et donc, pourquoi pas autour d'un bon verre. C'est beau ce que vous dites, Sauf que ce n'est pas une pils. Ah oui, non, mais ce n'est pas une pils. Non, parce que, mais ça, c'est pour le jeu de mots. Non, mais c'est 8,1% d'alcool. Oui. Et ça tape fort, ça. Hein, mais non, ça tape pas fort. Attendez, je goûte. C'est très, très bon. Ah oui, non, c'est vrai, c'est très, très bon. C'est pas mauvais c'est très du bon. Tout, hein. C'est très frais. C'est très floral. Tout à fait. Et l'idée de se lancer dans la bière comme ça, elle vient d'où? Parce que des microbrasseries, il y en a partout dans ce pays. Ici, après une saison, c'est vrai qu'on se rend compte que du fromage et de la bière et du chocolat. Il s'agit d'une bière à façon. Il s'agit d'une bière à façon, c'est-à-dire que Bernadette a fait une recette. Vous me corrigez, hein, a préparé, a imaginé une recette de bière et l'a fait réaliser par une brasserie. C'est ça, c'est bien c'est juste. Ça. En fait, c'est pas vraiment moi qui l'ai imaginé, c'est mon mari. Donc, au cours d'un cours de brassage qui est fait par Vivacité, non, c'est ça. On ne brasse pas, non, on Emmanuel Corazzini à Braine-l'Alleud. Donc, d'accord. En fait, c'est là qu'on apprend à brasser. Et donc, après, on élabore une recette qu'on améliore après en fonction de ce qu'on veut amener comme goût, comme couleur, comme degré d'alcool. Effectivement, après, nous avons déposé notre recette à la brasserie de la Leste, à Éprave, à côté de Rochefort, d'accord, qui l'a fait effectivement pour nous, parce que nous ne sommes pas brasseurs ni l'un ni l'autre. Nous avons une profession à côté et nous sommes trop âgés pour s'investir nous-mêmes dans une brasserie. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, votre bière ? Elle est délicieuse. C'est une bière au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a que des maltes, que des houblons, beaucoup d'amour, c'est pour ça qu'elle s'appelle aussi Pilsen Love. Pas de sirop, pas d'épices, rien du tout. Oui, mais si vous deviez décrire ce goût, vous l'avez amené vers quoi, avec quoi, qu'est-ce qui fait sa spécificité? Les houblons, il y a quatre, donc les deux mâles sont bio, les houblons sont américains, deux amérisants, deux aromatiques, et c'est eux, en fait, qui, avec ce mélange très complexe, apportent cette espèce un petit peu d'agrumes. Si vous reniflez la mousse, c'est ça. Vous avez l'impression de pamplemousse, alors qu'il n'y a pas du tout ni de fruits ni de sirop dedans. Donc, en fait, la complexité de la composition, puisqu'il y a beaucoup de matière dedans, donc fait en fait que c'est ce goût-là qui ressort. Alors, on est dans un monde d'amour, dans un monde de paix, on l'a bien compris. Vous allez plus loin dans la démarche. Hein. Les verres aussi, vous les travaillez de manière spéciale? Oui, donc les verres ont été faits par Oxfam dans une filière en Bolivie qui fait sortir des gens de la rue, qui leur donne un boulot et un salaire décent. Ouais. Donc, évidemment. Ça vous coûte plus cher alors? Ça coûte plus cher, mais bon, on trouve que ça en vaut la peine. C'est une démarche intéressante qui était aussi, je veux dire, initiée par la brasserie avec laquelle nous travaillons, puisqu'en fait, ils ont aussi fait faire leur verre là-bas. D'accord. Et donc, on voulait vraiment entrer dans cette démarche écologique et cette démarche sociale. Avec une bière dans votre gamme, hein, pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui. D'autres, c'est Pilsen Love, c'est aphrodisiaque? Après un bac peut-être bien. Mais oui. Un morceau de gingembre dedans. Et alors cette bière on la trouve où justement? Alors évidemment sur la région de Bruxelles pas encore puisque bon en fait elle n'existe que depuis une petite 18 mois. Ouais. Donc on essaie de démarcher évidemment de notre côté à nous, du côté de Philippeville en région namuroise, dans des drinks, dans certains commerces. On va ici bien sûr essayer de démarcher au niveau de Bruxelles. Elle se trouve dans certains gros et on n'oublie pas Arlon, on n'oublie pas Liège, on n'oublie pas Tournai, on n'oublie rien du tout. Non. Mais bon, je vous dis voilà, comme on disait tantôt, bah, c'est en profession accessoire. On fait ça le soir, le week-end, bon, petit à petit. En fait, on voulait aussi savoir l'accueil qu'elle aurait. Et donc maintenant qu'on est sûr de son accueil, qu'on est sûr qu'elle passe bien. On va maintenant, évidemment, la promouvoir. Ceux qui nous écoutent et qui passent... J'ai envie d'une bière de ma vie. Ceux qui passent dans la région de Philippeville, c'est ça? Philippeville, oui. Eh bien, ils peuvent toujours aller la goûter. Un site internet où on retrouve toutes les infos. Pils and Love, tout simplement. Pilsandlove.be. Merci Bernadette d'être venue avec vos bouteilles. Vous repartez sans, vous savez ça? Oui, oui. Ah ben, ça tombe, oui, ça tombe bien. Dans un instant, on parle de la Lune et on va la viser, la Lune, avec Delta. Ce sera pour la musique. Et puis, on s'intéresse à qui, Frédéric? On s'intéresse à Lidl dans quelques instants, effectivement. D'accord. À la pub de Lidl. Lidl des jeunes. Ah, Lidl des jeunes. La pub qui était un petit peu... Ah, un le petit, poulet un 2 plus 1, mais que c'était 1 plus 0. Actuellement, 25% de réduction sur toutes les litières pour chats AVV. Conditions en magasin. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les tentes quechua se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Hé hey, les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Grande ouverture de Idécolor Concept Store à Anderlu. Des peintures en direct du fabricant. Revêtement de sol et mur, store et tenture. Idécolor Concept Store, zoning commercial d'Anderlu, face au McDo. Actuellement pour l'ouverture, bénéficiez de 20% de remise sur toutes les peintures. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Le smartphone dernier cri. Vous en rêvez? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28 euros par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir est au contenu. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Vous allez en profiter. Une cuisine au millimètre près. Avec une offre à 6 400 €, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Au site nord de Gosselies, à la chaussée de Namur à Nivelles, ou rue de Mer dans le zoning de Froyenne. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Vivacité présente. Tombe Adamo. En concert unique à Lessines, le samedi 23 juillet à 20h, sur le site exceptionnel de l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Adamo, à Lessines, le 23 juillet. L'amour est le plus fort. Info sur renemagritte.be. On aura plein de belles histoires à raconter. Pas d'arrivée sans long voyage, sinon bien d'autres avant nous l'auraient tenté. On caressera les nuages comme la pluie les deltas planent. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu seras étonné de voir jusqu'où peut nous mener. atterrira dans les étoiles. Et de là-haut, on pourra voir le monde entier. Hors de portée des orages, un jour on posera nos bagages. Et on rira ensemble des galères du passé. On ira aussi haut que nos bras pourront nous porter, même au-delà. Ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu sauras étonné de voir jusqu'où peut nous mener. Le goût de l'aventure, parfois quelques frissons, 20 000 blessures. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Delta, en visant la lune. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Vous le savez, il y a une interaction de fou entre vous et nous. Vous pouvez nous contacter, on est multijoignable. Technologiquement, on est à la pointe de tout, par mail, par Facebook, partout. Et donc, on a reçu un mail avec des questions, on en a régulièrement, Xavier. Et quand on nous pose des questions pertinentes, on tente d'y répondre. Ben oui, une téléspectatrice. Alors, je vais essayer de pas écorcher son nom. Faïza Saoucha, de son pseudo Chocolat Vanille, nous a écrit. Vous êtes sûr que c'est pas l'inverse? Non. D'accord. Non, je suis sûr. Ah, quoi que. Nous a écrit et nous demande la chose suivante. Cher monsieur, madame, ça c'est pour Aurore. Je vous écris cet email pour plus d'informations concernant une méthode d'épilation qui commence à se répandre en Europe. C'est l'huile de fourmi. Quoi, les fourmis, elles pondent maintenant? Ah oui, elles ont toujours pondu. Hein. Oui, ça on savait. Mais je ne sais pas. Ça faisait de l'huile, ça, par contre. Oui, c'est apprend. Ça. Je sais. Oui. Une bonne. On savait que le dauphin était un poisson, mais pas que la fourmi pondait. Mais le dauphin n'est pas un poisson. C'est pas un poisson. Non. C'est assez, s'il vous plaît. Ça dépend qui. Pour qui. Bon. Réputé pour son incroyable pouvoir de réduire la pilosité. Donc, bien sûr. On s'épilerait à l'huile de fourmi. Il paraît que cette huile est très réputée en Iran et en Turquie et que ses composants sont d'origine naturelle. J'ai fait des recherches pour savoir s'il y avait d'éventuels dangers, mais je n'ai pas trouvé grand-chose, sachant que cette huile n'est pas très connue en Europe. J'ai lu sur quelques blogs, qu'il y aurait beaucoup de contrefaçons, notamment dans la marque Goutteau, que moi je ne connaissais pas non plus. Je voudrais savoir si cette huile marche vraiment, si elle n'est pas dangereuse pour la santé, et est-ce qu'on pourrait l'utiliser sur tout le corps? Eh bien, dans ces cas-là, nous pouvons répondre à notre auditrice en appelant quelqu'un, parce que nous, on n'y connaît rien forcément. On a en ligne le professeur Dominique Tenstedt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de service en dermatologie aux cliniques universitaires Saint-Luc. Vous connaissez... L'ex-chef, mais ça ne fait rien, très bien, oui. Vous connaissiez ce système? Vous connaissiez ce principe? Oui. En fait, oui. On connaît le système, on connaît le principe, on connaît la pratique. Ces crèmes, en particulier Goutteau, à base d'huile de fourmi, sont répandues, effectivement, viennent de Turquie essentiellement. C'est-à-dire qu'on n'a aucune information sérieuse à leur sujet. Hein. La littérature est absolument muette au sujet de l'efficacité de ce type d'ingrédients, des œufs de fourmis pouvant arrêter ou annihiler la pousse des poils. Donc ça fait partie, si vous voulez, de ces crèmes qu'on lance à grand renfort de publicité dans les blogs, etc. sur Internet, pour lesquels il n'y a strictement aucune preuve scientifique de quoi que ce soit. Mieux que ça, si on regarde même sur Internet, il est pratiquement impossible de trouver la composition exacte de cette crème. Danger, du coup. Mais donc on vous vend là du vent, d'abord, certainement. On vous vend une promesse, certainement. Et je dirais aux auditeurs d'aller même regarder éventuellement sur les blogs qui parlent de ce type de produit, vous voyez le nombre de personnes qui crient à l'arnaque. Il est évident qu'il faut savoir que pour les poils ne poussent plus, il n'y a pas 44 solutions. Il y a l'épilation, mais ça ne m'empêche pas que ça repousse. Pour empêcher une repousse, il n'y a que deux possibilités, du laser ou des lampes pulsées, ça c'est vrai, ça c'est indiscutable, ça diminue la repousse, voire ça l'annihile. Sans danger, bon, sans danger. C'est quand c'est bien fait par des personnes compétentes, c'est sans danger. D'accord. Et d'autre part, certaines crèmes contiennent des hormones, avec des ennuis éventuellement possibles, mais donc des hormones qui diminuent, voire ralentissent très fortement la pousse des poils, cela existe aussi. Professeur, franchement, quand on s'applique ce style de pommade ou autre, qui ont des compositions un peu inconnues, on court quand même un risque énorme. On rigole pas avec la peau, on rigole pas avec ce qu'on doit se mettre sur la peau. Je suis tout à fait d'accord. Ici, il semblerait que ce soit entre autres à base d'acide formique. Forcément, l'acide formique, ça vient des fourmis. Et il ne faut pas oublier que les acides sont en particulier des irritants. Et c'est ce qui est d'ailleurs rapporté par quelques internautes à ce sujet-là. Et puis en plus, les odeurs sont nauséabondes, disent-ils. Là, je n'ai pas vraiment testé moi-même, mais ça paraît assez une grande unanimité. Autrement dit, je pense que ce genre de produit fait partie de la gamme de la biomania. Il faut être bio, donc c'est bien. Mais il n'y a aucune efficacité prouvée pour ce type de crème, même si on désole les auditrices. On parlait de dépilation définitive. Est-ce qu'il faut réellement en venir à l'épilation définitive ou est-ce que les moyens d'épilation qui existent sur le marché, qu'on peut refaire dans le temps, ne sont pas suffisants finalement ? Mais tout à fait, je pense que dans l'immense majorité des cas, effectivement, les moyens classiques, les petits ressorts qui arrachent les poils, les crèmes épilatoires classiques sont largement suffisantes et permettent à la majorité des personnes d'être, je dirais, heureuses. Dans certains cas, indiscutablement, où les poils sont très, très noirs, très foncés, ou sont très disgracieux, ou sont très abondants, je pense que le laser reste une solution qui est quand même incontournable et qui peut certainement être conseillée, je dirais, à l'ensemble des auditrices. Mais les produits louches et les produits où il n'y a pas vraiment de composition claire, on les oublie. Merci, professeur Tenstedt, pour tous ces détails. L'info, les titres de l'info arrivent. Et puis, nous partirons chez Lidl. On a besoin de quelques explications sur leur folder qui n'était pas très clair cette semaine. Vous cherchez un magnifique carrelage de qualité ? Rendez-vous chez Mondial Carrelage Trépi-Bracny et Mondial Carrelage Fleurus. Des carrelages aux meilleures conditions, départ magasin. Exemple, graisse cérame pour extérieur, premier choix, imitation pierre bleue, à partir de 24,20€ le mètre carré. À partir de 24,20€ le mètre carré. Le carrelage imitation parquet à partir de 17€ le mètre carré. À partir de 17€ le mètre carré. Sauf épuisement, stock actuel. Et toujours les meilleures conditions sur nos autres produits. Mondial Carrelage à Trépi-Bracny et à Fleurus. À l'euro, les diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le cava de fruits de saison contenant 1 kg de pêche, de nectarines, de kiwis, d'oranges et un ananas pour seulement 6,99€. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés, horaire en magasin. Avec Poincaré, sortez-vous pour l'été. Du mercredi 1er juin au dimanche 12 juin, bénéficiez de moins 30% sur votre deuxième short. Offre valable sur les assortiments hommes, dames et enfants confondus. Voir conditions en magasin. Il y a des nuits où je rêve de prendre un break. Sable blanc, mer transparente, les enfants qui jouent avec des cerfs-volants grands comme des deltaplanes. Et en plus, j'y vais en Mercedes. Ah, et puis au réveil, on me dit que l'Irligno Car offre des conditions exceptionnelles sur les Mercedes Break de seconde main. Alors, I take a break. L'Irligno Car. By Mercedes-Benz. Vivacité présente. Immergez-vous dans le bio. Du 4 au 12 juin, producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la semaine bio. Ferme ouverte, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays pour vous mettre l'eau à la bouche. Info sur semainebio.be. Une initiative de la PACW. Chez Nearly New Car, il y a déjà une Mercedes classée Break à partir de 17 500€. Dès que Break, surfez sur nnc.be. Nearly New Car. By Mercedes-Benz. Vivacité présente les 10 miles de Charleroi. Le dimanche 19 juin, dès 15h. À l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be. Avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. Il est 12h30. Les titres du journal avec vous, Manu Delporte, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les orages, c'est fini, ouf, mais l'eau n'est pas encore partie partout. Le plan d'urgence est toujours d'actualité à Tournai et à Brunehaut, sa petite commune voisine. On ne compte plus les rues inondées, les pompiers sont toujours sur place dans beaucoup d'endroits, avec des ouvriers communaux pour pomper ou déblayer ce qui peut l'être. Les affluents de l'Escaut sont toujours en alerte de crue. Ce qui inquiète en ce moment le plus les pompiers, c'est le niveau de la Dendre à Lessines. À Cours-Saint-Étienne, Genappe, Nivelles dans le Brabant wallon et à Durbuy, on nettoie là aussi. Le tunnel de la Woluwe à Woluwe-Saint-Lambert a été rouvert ce matin. Il avait été fermé à cause des intempéries. Dans l'actu aussi, la lutte contre la fraude sociale. Le nouveau secrétaire d'État à la lutte contre la fraude sociale persiste et signe. Comme son prédécesseur, Philippe de Backer veut que les CPS dénoncent les cas de fraude. Il y en aurait 2 à 3000 chaque année en Belgique, des allocataires sociaux qui profiteraient du CPS alors qu'ils touchent un salaire via un travail au noir, un travail non déclaré. Et puis à 13h, on reviendra sur le premier entraînement des Diables Rouges, évidemment, sous le soleil bordelais. Entraînement à huis clos, sans spectateurs, donc pendant une heure au château du Haillan. Cet après-midi, ils prennent la direction du stade Chaban-Delmas pour un entraînement en public. Et là, on attend, figurez-vous, 20 000 personnes. On retrouvera un de nos envoyés spéciaux dans le journal de 13h. À tout à l'heure, 13h, Manu. On n'est pas des pigeons. Nos envies gommées, rêves et peaux bien éduquées, l'ennemi maté, jour après jour, jour, jour apprend l'enfant, les règles qu'il faut, chacun son tour, tour, tour, on devient grand, on devient fort. Qu'un jour le soleil vient te ressusciter, un amour nous réveille. Le jour où le soleil viendra te réveiller, l'amour enfin balaye les chaînes et les clés. Revenons à nous. Compliqué, des mots, des fils à nos pattes, à nous bien dresser. Alors on court, court, court, tout empoté dans nos gros manteaux. Aveugles, sourds, sourds, sourds, civilisés, j'ai mal dans nos peaux. Jusqu'un jour. Christophe Willem sur Viva avec le titre Nous Nus. Non, parce que ce qui est important, c'est pas le résultat. Le résultat, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le raisonnement qui amène à ce résultat. Plein de gens écrivent sur la page Facebook de l'émission et certains se plaignent. Et là, en l'occurrence, on a eu deux plaintes. C'était hier. On en a parlé d'ailleurs dans le coup de gueule. Et on s'est dit qu'on allait poursuivre l'affaire. Frédéric, on recontextualise. Oui, c'est un cas vraiment très intéressant. Donc, c'est le folder de Lidl, folder publicitaire toute boîte, qui a été distribué jeudi dernier, qui annonce un prix assez étonnant de deux barquettes de 500 grammes d'ailettes de poulet pour le prix de 2,69 € pour 1 kilo, donc, puisque la barquette est à 500 grammes, deux barquettes, 2,69 €. Ça, c'est le juste prix sur le folder. C'est un prix, effectivement, annoncé par Lidl. Tout le monde s'est dit, c'est formidable, acheter un kilo de viande à 2,69 €. Ah ouais, ça le fait. C'est magnifique. Et donc, ça entraînait, évidemment, des demandes chez Lidl. Sauf que Lidl s'était un petit peu trompé. C'était le double du prix, 5,38 €, oui, pas 2,69 €. C'était un 1+1 un peu différent que ce qui était annoncé. Erreur dans le folder. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Là, est-ce que le commerçant est tenu? Le prix annoncé, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Nous, mais pas toujours, toujours. En tout cas, Lidl n'a pas accepté que ce soit le prix annoncé qui était le prix tenu. Au téléphone chez Lidl, on a le porte-parole de la marque, Julien Wathieu. Bonjour. Oui, bonjour. Un prix affiché, c'est le prix que le client doit payer quand même. Voilà, donc concrètement, ici, c'est une erreur qui s'est glissée dans notre folder. Donc tout d'abord, bien sûr, nous excusons pour le désagrément subi. Un folder qui est distribué à très très grande échelle. Il faut l'assumer, voilà, cette erreur. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, concrètement, au lieu d'annoncer un prix à 5,38 € par kilo, ouais, nous avons annoncé 269 € par kilo. 2,69 €. On va pas en remettre une couche. Voilà. Mais donc, concrètement, voilà, ce prix est déraisonnable. C'est-à-dire qu'habituellement, nous vendons ce même poulet à 10,82 € le kilo. Donc, il y a déjà une super promotion. Mais à 2,69 €, nous vendons à perte, ce qui est bien sûr interdit. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, mais concrètement, même au niveau de la relation avec les producteurs, nous ne pouvons pas proposer un prix comme ça, c'est un prix déraisonnable. Et il y a une mention, justement, dans notre folder qui spécifie que, voilà, il y a de temps à autre une petite erreur, et nous essayons de la corriger, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, en étant réactifs. Donc ici, en fait, hein, vous avez commis l'erreur, vous en êtes rendu compte avant l'ouverture du magasin avec le nouveau prix, donc vous avez changé tous vos prix en magasin, vous avez corrigé à temps, voilà, pour cela, mais les gens qui ont le folder et qui viennent chez vous, ils s'attendent à avoir ce prix folder, et à eux, vous ne pouviez pas faire un petit geste commercial, véritablement, et à ceux qui réclamaient 2,69 € pour ce kilo d'élite de plaie. Parce que c'était écrit et qu'ils s'étaient déplacés grâce à cette promotion. Voilà, vous les attirez, voilà, chez vous, il y a un but aussi publicitaire, le folder il sert à ça, à attirer pour que les gens achètent autre chose. Là, c'est pas un peu les prendre en otage? Donc, quelque part, on communique sur le folder, il y a une erreur, donc on s'en est rendu compte vendredi. Qu'a-t-on fait? On a communiqué via différents canaux, donc au niveau des websites par exemple, au niveau des journaux, au niveau des sports radio, on a tout corrigé. On a aussi indiqué aux clients, dès qu'ils rentraient dans le magasin Lidl, on leur présentait à nouveau leurs excuses en disant qu'il y a une erreur au niveau du prix. Donc oui, on reconnaît notre erreur, on est une société responsable et on a communiqué sur cette même erreur, mais nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de concrètement proposer ce prix donc, de 2 euros. On est d'accord, c'est ça, parce qu'on l'a déjà dit souvent dans cette émission, le prix affiché, c'est celui que vous devez payer. Mais il y a des règles, effectivement, si c'est déraisonnable et que vous vendez à perte, alors là, vous pouvez vous retrancher derrière ce genre d'argument. Véritablement, ici, il s'agit d'une erreur grossière tellement énorme que Lidl n'est pas tenu légalement, car c'est impossible de trouver ce produit-là à ce prix ailleurs. C'était effectivement un prix totalement déraisonnable, donc le consommateur pouvait lui-même déduire que c'était pas pensable. Mais ça reste une bonne affaire, de toute façon. 5,69 €, ça reste une bonne affaire pour un kilo d'ailettes de poulet. Ça reste n'empêche, c'est évidemment litigieux. Oui, c'est vrai que ça, en tout cas, ça suscite le débat, ça suscite questions, et on remercie Julien Wathieu d'avoir répondu. Alors parfois, c'est vrai, Sébastien, on peut voir un prix où il manque un zéro, donc au lieu de 100 €, ça devient 10 €. Là, c'est clairement déraisonnable. Ici, effectivement, le kilo de viande des lettres de poulet à 2,69 €, c'était déraisonnable selon Lidl. Alors, on peut toujours attaquer en justice, hein, pour ceux qui veulent vraiment aller au bout des choses, mais je pense que Lidl est dans son droit. D'accord. Voilà, c'était important de faire le point là-dessus. Et c'est ce que nous avons fait. Et bien fait, ma foi. Avec le porte-parole. C'est magnifique. Moi, j'ai gagné ma journée, en tout cas. Vous savez ce qu'on va faire dans quelques minutes après Alison de Rouve? On va aller dans une grénothèque. Vous savez ce qu'est une grénothèque? Non. Ben, vous allez le savoir dans quelques minutes. Donc, si vous suivez. Les gars, j'ai nos places pour le foot. On sera à 2 mètres du terrain, juste devant mon grand écran. Acheté en promo chez Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Les études montrent que pour être convaincant, un spot radio automobile doit répéter la marque 6 fois.

Et on vous a dit non. Eh ça bien, reste non. Hein. On va avoir la réponse du côté de Vielsalm, où on retrouve Marie-Claude Noël. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes responsable de la bibliothèque publique là-bas à Vielsalm, parce qu'au milieu des livres, oui, aujourd'hui, on trouve aussi des semences de plantes et ce genre de trucs. Voilà, c'est ça. Mais comment, oui, comment est né ce projet? On savait déjà qu'il y avait des grainothèques en France, beaucoup de grainothèques en France. En Wallonie, il y en avait déjà 4 ou 5. Et puis, ça a été un peu notre petite idée pour faire notre part du colibri, comme dirait Pierre Rabhi, puisque le thème de la biodiversité, de l'écologie, ce sont des thèmes qui intéressent beaucoup le public des bibliothèques. Donc, en plus de proposer l'aspect documentaire, donc des livres, des DVD, on s'est dit qu'on pouvait aller un peu plus loin et proposer des collections, des collections de graines dans les bibliothèques. Mais comment ça se passe? Parce que quand on va chercher un livre à la bibliothèque, on doit le ramener. Mais les graines, on ne peut pas vous les ramener. Comment on fait? On ne les ramène pas. Et le principe, c'est l'échange, en fait. Donc, les gens, ils amènent des graines qu'ils ont récoltées dans leur jardin, des graines reproductibles, ça c'est essentiel. Ils les amènent et en échange, ils emportent des graines que d'autres personnes ont amenées. C'est du troc. Voilà. C'est du troc de graines. Voilà. C'est de l'échange. Et ça marche ou il y a plus de demandes que d'offres? Oui, c'est un peu difficile pour l'offre. Donc, pour débuter la grainothèque, on s'est fourni en graines reproductibles pour qu'il y ait un stock à la base. Et puis, bon, on va aussi attendre l'automne, puisque les gens n'ont pas récolté encore des graines. Ils sont seulement en train de semer. Et donc, on verra certainement à l'automne comment ça peut fonctionner dans l'échange. Mais on en a déjà eu quand même. On a quand même des lecteurs qui nous ont amené des graines de l'année dernière, et ça fonctionne assez bien. Et donc c'est maintenant qu'on voit les gens qui s'aiment, et puis on aura le fruit de tout ça dans quelques mois, évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a, pour les graines que je ramène, est-ce qu'elles doivent être... dans quel état elles doivent être? Expliquez un peu à tous ceux qui seraient intéressés à participer à cet échange. Il y a des techniques évidemment pour récolter les graines, hein, et tout ça c'est expliqué dans des livres. Ça fait aussi l'objet de conférences ou d'ateliers qu'on mène dans les bibliothèques partenaires pour apprendre aux gens à récolter leurs graines et à les conditionner. Donc en fait ici on est clairement dans la promotion de la biodiversité mais à l'échelon local. Hein. Voilà, c'est ça, oui. Donc oui, on préfère que ce soit des plantes locales et c'est justement pour encourager la biodiversité. Et c'est quel genre de plantes par exemple qui marchent alors? Eh ben, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu des pois nains, de la roche, des laitues de différentes variétés. Là, vous venez de citer trois trucs que moi, je ne connaissais pas personnellement, donc effectivement, c'est que ça marche. De la roche. Oui, voilà, et puis des plantes aussi. De la roche, c'est une espèce d'épinard. Ah non, c'est pas la ville. Qui se recèle. Non. Les gens n'avaient pas des morceaux de rocher. Et vous pouvez donner aussi quelques conseils? Vous êtes jardinière vous-même? Pas vraiment, mais on a tout ce qu'il faut à la bibliothèque pour informer les... Donc comme ça, vous louez vos livres aux gens et puis ils prennent leurs graines. Ouais, pas bête. Donc ça se passe à la bibliothèque de Vielsalm, mais il y en a d'autres. On pourrait retrouver ces grainothèques sur un site. Voilà, ce qui est particulier chez nous, c'est qu'on s'est associé aux bibliothèques de la province du Luxembourg. Ouais. Et on est 9 bibliothèques partenaires. Ouais. Et on édite à chaque saison un petit livret qui reprend les activités liées à la grainothèque dans chaque bibliothèque. Et une petite bibliographie qui évolue aussi au fil des saisons. Donc, site internet alors Les infos, elles sont sur le site de chaque bibliothèque, puisque maintenant chaque bibli a un site internet et des pages Facebook aussi. Oui. Renseignez-vous auprès de la bibliothèque de votre coin. Merci Marie-Claude de nous avoir parlé de ce genre de choses que je ne connaissais moi personnellement pas. C'est chouette, hein. C'est une chouette initiative. Dans quelques minutes, on va sur Facebook. Est-ce qu'on a un coup de gueule aujourd'hui, Aurore? Oui, on a un coup de gueule et c'est envoyé par SMS aujourd'hui. D'accord. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Après 16 ans de patience, voici le moment que tous les Belges ont tant attendu. Belgique-Italie, le premier grand choc à suivre en direct sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. SST, secrétariat social, toujours plus proche de vous à Tournai et Hatte, avec tous nos services.

ces 9, 10 et 11 juin, Kitchen Market vous attend pour 3 jours de fête et de folie sur les prix. Avec 15% de réduction sur tout le magasin. Cuisine équipée, électroménager, ustensiles Alice Délice et buanderie. Jeudi, vendredi, samedi, vous avez 3 jours pour en profiter. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Et pour vos soirées d'été, il y a 40 barbecues d'une valeur de 1000 euros à gagner. On n'est pas des pigeons. Comme tous les jours, on termine avec un coup de gueule. On l'a trouvé sur SMS, il vient de Malmedy, ce coup de gueule. Oui, c'est AM, on imagine que c'est Anne-Marie qui nous envoie ça. Ou Alain Marc. Ou Alain Marc, ou enfin voilà. Augustine. Meredith, on avait dit hein, Augustine Meredith, mais voilà. AM de Malmedy. Pourquoi un certain de vos bons confrères, j'imagine qu'elle me parle, s'échine-t-il, se complète-t-il en notre belle francophonie à négliger l'inversion dans le mode interrogatif? Oula. Pourquoi... On a une prof de français, je crois. Mais attention, une insulte après presque. Pourquoi se laisser aller digne des jeunes mal scolarisés? Ah, parce qu'on est, des, on est peut-être des jeunes mal scolarisés. Et mais vous, enfin, c'est de vous, franchement, qu'on parle? Non, mais non, justement. Non, mais là, on a du lourd, on a du prof de français, là, on a du. Et donc, quelqu'un autour de cette table n'utilise pas la bonne forme interrogative. Oui, mais expliquez, c'est quoi? Il n'y a pas d'inversion. Elle aurait dû donner l'exemple et donner la maison, le... voilà. Ben, je vais vous. Enfin, ouais, j'imagine si que c'est ça qu'elle veut dire. La maison a-t-elle été vendue? Oui. Eh ben, ici, autour de la table, on dit et quoi la maison? Elle a été vendue. Elle est vendue. Ah oui. En même temps, la réponse. C'est ça qui est important. Et quoi la maison? Elle coûtait combien? Si vous avez des questions à nous dire aussi intéressantes que cela, n'hésitez pas à les poster par SMS ou Facebook. T'as perdu une auditrice, toi. Ouais, c'est pas grave. Oui, je pense que c'est foutu. Les SMS, on va les oublier pour aujourd'hui, mais vous pouvez faire tout ça par mail. L'adresse c'est pigeonpluriel@rtbf.be. La page Facebook, on n'est pas des pigeons. Le répondeur 070 222 660. C'est à la télé qu'on vous retrouvera. Prochain rendez-vous, il est fixé sur la une à partir de 18h30. Et c'est Sylvie Honoré avec La Vie du Bon Côté qui prend le relais. Sylvie, on est mercredi, on parle des enfants. Oui, les enfants qui n'expriment pas toujours ce qu'ils vivent. Voilà le thème de notre émission de ce mercredi, thème que nous avons envisagé de faire avec Nathalie Van Kreinest, qui est mon invitée, elle est coach, après notre émission sur le harcèlement, Nathalie. Et vous m'avez dit en arrivant tout à l'heure que vous aviez eu beaucoup, beaucoup de retours. Oui, beaucoup de retours sur cette émission. Beaucoup de parents qui avaient téléphoné. Qui avaient des interrogations, qui voulaient des idées, des solutions pour s'aider et pour aider leurs enfants. Voilà, comment faire exprimer en effet les enfants face au harcèlement dont ils sont victimes, peut-être à l'école, avec les copains. Donc aujourd'hui, on prend tout en considération, c'est vraiment le thème, c'est vraiment mon enfant n'exprime pas ce qu'il vit. Avec cette conclusion en effet, et je pense que ça touchera beaucoup d'adultes, que beaucoup d'enfants n'expriment pas suffisamment ce qu'ils vivent. C'est difficile d'aller chercher derrière leur malaise ce qui se cache, de leur faire partager des émotions. Comment amener un enfant à s'exprimer? Comment amener l'enfant à exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent? On vous demande aujourd'hui de nous parler de comment vous faites, du comment vous faites à la maison ou à l'école peut-être. Et notre invitée d'aujourd'hui, donc Nathalie, vous parlera peut-être, vous dira que le dialogue avec les enfants, ça vous rassurera, dépend de plusieurs facteurs, de notre personnalité à nous, de leur personnalité à eux, plus ou moins extravertis ou introvertis, de notre disponibilité à les écouter, parce qu'on, est-ce qu'il y a une façon d'écouter les enfants? Bref, donc, il y aura beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Si vous souhaitez intervenir, 070 23 33 23 par téléphone, par SMS, vous nous envoyez un SMS au 3063 ou via la page Facebook de l'émission. Vous êtes 16 000 maintenant à nous avoir rejoints dans la communauté. Ce sera juste après le journal de 13h. Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies.